L'autre soir l'Altesse tâtait, un business de soirée. Une doudou toute beauté, un fruit à les obélés, y'a eu les... Attends, tu m'as pris pour qui? Pourquoi toujours ces théories de bluffeurs, bluffeuses et bluffés? Désir commun, canapé déplié, le patron plastique se pose dans une main. Elle rugit de plaisir, je caresse tâte avec doigté. Et nous nous délectons dans une danse ondulée. Côté, côté, centré, collé, serré, coqué. Ok, le doux, al dente, l'ex qui fout, fâché, fâché. Un bond à souffler comme du miel pop, ça dévoré. Nos goûtions sont répits aux saveurs de nos pays. Satisfait, tu connais les quinquins. Toute la nuit c'est inné, je suis vainé jusqu'au matin. Hiver ou automne, je suis chaud comme au printemps. Et quand vient l'été, rebelote en nous aller. Tes saveurs me hantent, je veux tâter, je veux goûter à ces voluptés. Tendez haut et frotter. Après un, deux, trois soleils, retâter un chat perché. Pose pour l'appareil. Par la langue des merveilles, égaye ton corps. Aux pratiques des obscures sciences physiques, Fujiyama, Kama Sutra. Ou un autre mot chinois, femme de mes joies. Ouvre tes frontières aux tentations, tonton. Un bon jus de passion, ses saveurs nous boirons. Une bombe à max avec un corps de folle. Sur ma parole, mon auréole, elle était toute taxe comprise. Un déhanché qui a guiché, dressé les loups fâchés. Son mec l'a lâché. Péché, la situation j'exploite. Ma double S tchatch et ses folies nous flattent. Une sexuelle automate, au délice candidate. Comme un jour qui tue la nuit, une pluie qui tue la soif. Le feu dans ses eaux, dans les draps danse de chorégraphe. Puisant nos ébabas dans sa lointaine fontaine. Elle faisait surgir l'eau de vie pour nos coups de rein de longue haleine. Bouge ton corps, fais un pas si corps et âme sont partants. Tous ces mots nous abreuvaient les saveurs de nos contrées. Devant mon carnet d'adresse, encore je m'adresse aux déesses de la caresse. Et je me confesse, qui n'a pas pêché à la pêche au tasse. Pêche, goûtons aux saveurs de nos pays.